Chapitre 12e. Depuis la vaine expédition des trois chercheurs de trésors, le temps a marché. Les deux frères ont suivi chacun leur vocation et arrangé leur vie d'après le plan qu'ils s'étaient tracé. Edme est resté à la verrerie, où son cousin lui a donné un emploi qu'il remplit à merveille. Entré à l'usine, avec des appointements modestes, il y a rendu de tels services que, pour l'en récompenser, M. de la Louvière n'a pu faire moins que de lui assurer une part dans les bénéfices. Il est donc maintenant son associé plutôt que son employé. Et grâce au concours de sa jeune énergie, de sa bonne volonté toujours active et de sa compétence, l'affaire a pris en peu de temps un développement considérable. Edme se donne à sa tâche corps et âme, en travailleur et en savant, un peu aussi en poète, car il goûte un véritable plaisir de dilettante au spectacle quotidien de la maison ouvrière, de ce labeur farouche du verrier qui, parmi les flamboiements de la fournaise, aboutit à la création de si délicates merveilles. Monsieur de la Louvière et lui, par la simplicité et la noblesse de leur existence, rappellent le temps de ces verriers gentilshommes qui portaient l'épée. Les plaisirs rustiques de la chasse, de la pêche ou des excursions en forêt alternent avec leurs viriles occupations. Ils vivent ainsi tout près de la nature, utiles aux autres et à eux-mêmes, ce qui est, à tout prendre, une assez enviable condition. Quant à Clément, sa voie est tout indiquée par ses aptitudes. Il est devenu, au meilleur sens du mot, un artiste sérieux, sincère. L'école des beaux-arts lui a ouvert ses portes sans difficulté. Entré dans la carrière souhaitée, il ne cessa d'y progresser avec courage et talent malgré les obstacles innombrables qui encombrent pour les débutants la route du succès. Rue Bonaparte, dans une maison d'apparence provinciale, comme il en subsiste encore dans ce quartier, il a sa chambrette au 6e. Le rêve n'aime-t-il pas ce perché haut? Le nid aérien d'ailleurs est aimable. Le carrelage rouge de la petite pièce luit joliment au soleil qui s'attarde complaisamment aux vitres. Le lit de cuivre est bien astiqué, quelques meubles importés d'Argonne, héritage de la tante Charmette, ont gardé dans leur bois bruni un peu de la bonne odeur des forêts lointaines, et dans un angle, de sa voix flûtée, un coucou chante les heures. Au mur sont accrochés quelques fusains, deux ou trois aquarelles, traitées à la manière simple et fluide des vrais paysagistes qui savent rendre, comme ils l'ont vu, le tremblement des sources et la palpitation irisée de la lumière au fond d'un horizon de plaine. Ce sont les ouvrages de Clément, ceux qu'il ne montre pas à ses professeurs, qu'il peint pour la seule joie de les peindre et d'y évoquer, à travers la brume transparente du souvenir, les grâces de la terre natale. Des paysages seulement, non pas. Dans ce tableau qui se dissimule en un recoin de la chambre, comme par une pudeur jalouse de son auteur, une figure de jeune fille sourit, au milieu d'un hallier inondé de lumière. Ses lèvres pulpeuses, qui semblent dire à la fois la bonté et la malice, avec leur coquet retroussi, ses joues aux fermes dessins, ses yeux limpides, cette chevelure qui mousse, ses collets de la Louvière, telle qu'elle apparut à son cousin dans la forêt d'Argonne, telle qu'il la retrouve sans effort, avec tout son charme, dans sa mémoire 20 fois par jour. Les distractions de Paris ne l'en ont point chassé, pas plus qu'elles n'ont effacé le souvenir des bois profonds où chantent les rossignols et les sources, ou des clochers de village qui, suivant le vers délicieux du poète anglais, montrent le ciel du doigt silencieusement. L'image de la jolie cousine se mêle à la poésie de l'Argonne. À l'une et à l'autre, Clément, amoureux et artiste, reste fidèle. Pourtant il est jeune. Les camarades de l'école sont légers et cherchent à l'entraîner dans les folies de leur âge. La tentation est partout. À chaque pas qu'il fait au dehors, le jeune homme la rencontre. Il serait presque excusable, quelquefois, d'oublier l'idylle déjà lointaine et de se laisser aller à vivre comme un Parisien ordinaire, puisqu'il est à Paris. Mais non. La douce magie du souvenir opère plus fortement sur son cœur que les séductions du présent. Et dans le silence de la chambrette, il envoie une pensée pieuse vers les solitudes de l'Argonne où Colette, au même moment, doit penser à lui. Car il est certain qu'elle l'attend. Ils n'ont échangé aucune promesse. Ils ne se sont pas même dit qu'ils s'aimaient. Mais ils n'avaient guère besoin de se le dire pour être sûrs l'un de l'autre. Et malgré la distance, il s'établit entre leurs âmes une correspondance d'affection que rien ne saurait interrompre. D'ailleurs, Clément est un travailleur acharné, et son labeur l'accapare. Il faut lutter beaucoup pour conquérir une petite place au soleil, dans ce Paris encombré de talents et d'ambitions, qui cherche désespérément à se faire jour. La carrière des arts, comme le lui avait prédit M. de la Louvière, attire en grand nombre les jeunes gens désireux de gloire ou d'argent, et parmi tous ces ribauds, il en est qui sont vraiment redoutables. Clément apprend donc à connaître la lutte pour le succès, qui est une des formes de la lutte pour la vie, et n'est pas la moins âpre. Il lui faut envisager non point seulement la conquête de l'idéal, noble souci des jeunes talents et des jeunes âmes, mais celle des résultats pratiques et immédiats. Ses maîtres, qui ont deviné en lui un artiste sincère, l'aident par leurs encouragements. Lui-même, il déploie toutes les ressources de son énergie et de sa volonté à mettre en œuvre, le mieux possible, son talent un peu trop original, peut-être, pour emporter les suffrages de la foule. Il éprouve une grosse déception qui, cependant, n'abat pas son courage. Il manque le prix de Rome. Non pas qu'il soit moins doué que ses ribauds, ni qu'il ait travaillé avec moins de persévérance. Bien au contraire, c'est la qualité même de ses dons et de son effort qui lui a porté préjudice en cette circonstance. Il n'a pas l'habileté de certains médiocres adroits qui savent restreindre leur conception de l'art à la limite officielle. Il sert de trop près la vérité pittoresque. Il l'exprime par des moyens simples et hardis qui déconcertent parfois les critiques habituées aux procédés ingénieux et superficiels des artistes en vogue. Aussi court-il le risque de n'être pas toujours compris. C'est ce qui lui arrive cette fois. Il n'a obtenu qu'une seconde médaille. Adieu le voyage à Rome, les loisirs artistiques de la Villa Médicis, le séjour au pays de la lumière et de la musique. Le pauvre Clément est précipité des hauteurs du rêve et le premier choc est un peu rude à son orgueil meurtri. L'impression ne dure pas, heureusement. Sa vaillance naturelle reprend le dessus. Dans la chambrette du sixième, tandis que les cloches de Saint-Germain-des-Prés égrènent à distance un chapelet sonore, et que leurs voix graves font planer comme un cœur d'espérance au-dessus des rumeurs de la rue, Clément se sent à nouveau rempli par une confiance sereine en son avenir d'artiste. Il l'envisage avec une lucidité parfaite, sans le moindre découragement. « Je ne serai pas un artiste officiel, soit. Je me contenterai d'admirer les Raphaël et les Léonard au Louvre, au lieu d'aller voir les grands maîtres chez eux. Je ne m'assoirai probablement jamais sous la coupole, tant pis. Il me reste la consolation d'être un bon ouvrier d'art, de peindre facilement, amoureusement, la nature telle que je la vois et que je crois la comprendre. Il se trouve dans le public qui se presse à nos expositions une catégorie d'amateurs qui apprécie l'effort original et l'initiative indépendante. Eh bien, c'est à ceux-là que je m'efforcerai de plaire, et il me semble que j'y réussirai. Ce sont eux qui me feront mon succès. » Clément s'est tenu parole. Le jour même de l'échec, il s'est remis à l'œuvre avec plus d'énergie que jamais. Il a cherché loyalement à mieux faire. À la longue, les connaisseurs ont remarqué la production de cet artiste toujours en progrès, et une petite gloire, sans cesse grandissante, s'est faite autour de son nom. Dans les expositions annuelles, les marchands de tableaux s'arrêtent de plus en plus nombreux devant ces toiles larges et sobres, où l'air circule, où la lumière se joue en nappes fluides et se brise en paillettes, où la brume matinale s'essore des rivières, où les futaies de l'argonne semblent exhaler véritablement le parfum des mousses et des sèves. Et peu à peu, le prix de ces ouvrages s'élève avec leur renommée. Clément n'est pas encore riche ni célèbre, mais il gagne largement sa vie, et la notoriété lui vient à défaut des faveurs tapageuses de la mode. Une autre récompense plus douce est promise à la dignité de sa vie et à la probité de son effort, celle que lui réserve l'amour, la meilleure de toutes et la plus précieuse. Chaque année, quand reviennent les vacances, Clément s'évade de Paris et saute dans le train qui l'emporte à travers les campagnes de l'Est, vers la forêt d'Argonne. Il revient passer, auprès de sa famille, les derniers beaux jours de l'été, et le clair sourire de Colette l'accueille, plein de promesses. La petite cousine n'a pas besoin de le lui dire. Ce sourire signifie d'une façon assez claire qu'elle l'aime et qu'elle l'attend. Pourtant, cette année, elle le lui a dit. C'était un dimanche soir, pendant une promenade, que les jeunes gens faisaient en forêt avec monsieur de la Louvière. On était à la fin d'une de ces belles journées d'automne qui semblent de cristal, selon le mot de madame de Sévigné, tant la lumière est pure, l'atmosphère légère et transparente. La verdure restait intacte encore. Le déclin de la saison n'était sensible que par la douceur attendrie de l'air et par la nuance moins éclatante du ciel. Les parfums de la forêt flottaient plus nombreux, plus nourris. Ils se répandaient sous la voûte des arbres et formaient comme une symphonie d'odeurs. Les rayons obliques du couchant parsemaient de taches dorées le tronc des hêtres. Ils se jouaient en dansant dans les allées profondes et l'on eût dit une ronde folâtre de clarté et d'ombre. Monsieur de la Louvière s'était attardé en arrière, causant avec Edme des affaires de l'usine, et tous deux semblaient discuter d'une façon très animée certains procédés nouveaux que le jeune homme proposait de mettre à l'étude. Mais peut-être se faisait-il bénévolement complice des deux amoureux, feignant d'être absorbé par l'entretien pour les abandonner un peu à eux-mêmes et laisser le champ libre aux confidences. Cependant, les jeunes gens n'échangeaient encore que des propos d'une innocente banalité. Leur cœur était troublé déjà. Ils sentaient l'approche de l'aveu inévitable, qui leur montait aux lèvres, ils hésitaient encore à le prononcer. Et l'âme débordante de tendresse, ils continuaient à s'entretenir de choses indifférentes, avec la divine gaucherie des amoureux. Clément parlait de ses travaux, de ses soucis d'artiste, de ses espérances de l'avenir qui s'ouvraient pour lui. Il disait les plaisirs intellectuels de la capitale, les musées, les théâtres, les dimanches de flânerie dans le vieux Luxembourg, où sa rêverie évoquait, parmi les ombrages du Royal Jardin, le souvenir toujours présent des forêts d'Argonne et de la terre natale. Colette racontait les paisibles distractions de sa vie journalière, des courses charitables qu'elle faisait dans les environs, des lectures ou encore des longues promenades à travers les bois où elle allait herboriser car son cousin, pendant les vacances, avait réussi à la convertir à la botanique et elle possédait maintenant un herbier remarquable, abondamment pourvu des variétés les plus intéressantes de la flore indigène. Mais les jeunes gens n'étaient guère à ce qu'ils disaient. Tandis qu'ils prononçaient ces paroles banales, un muet entretien commençait à s'ébaucher entre leurs deux âmes. Le sentier fit un coude. Il se trouvait maintenant dans un carrefour en forme d'étoile, d'où rayonnaient plusieurs avenues, qui s'enfonçaient à perte de vue dans la profondeur glauque et dorée des taillis. En se retournant, ils ne virent plus leurs compagnons attardés. L'impression de la solitude complète ajouta une émotion nouvelle à celle qui gagnait doucement leurs âmes, et ils se sentirent envahis par un irrésistible attendrissement. Un silence se fit entre eux. Clément prit la main de sa cousine. « Colette, dit-il, nous voilà seuls pour un instant, il faut que je vous dise. » Il balbutiait, étrangement troublé, mais il se domina et reprit. « Depuis que j'ai quitté le pays, votre pensée ne m'a pas abandonné un seul instant. C'est elle seule qui a peuplé mon isolement à Paris, qui m'a soutenu dans mes travaux, qui m'a donné la force de surmonter les difficultés du début, de lutter et d'espérer malgré les déceptions. Je voudrais vous consacrer ma vie, toute ma vie. Clément, est-ce une folie, dites, est-il insensé au modeste artiste de prétendre jusqu'à vous? Je n'existe plus que pour cet espoir-là. Je suis pauvre, il est vrai. Mais le succès me vient. Et si je n'ai pas de fortune, je gagne largement ma vie. J'ai travaillé beaucoup. Je travaillerai encore davantage. Je ne sais pas de quoi. Je ne serai pas capable pour vous mériter. Colette, je vous dois déjà le peu de talent que j'ai. Mon énergie, mon courage, ce qu'il y a de meilleur en moi. Je voudrais vous devoir mon bonheur. Dites, croyez-vous que vous pourriez m'aimer? Je vous aime. » Et la jeune fille, par un mouvement de chaste tendresse, s'est rapprochée de lui. Elle a incliné doucement la tête et l'appuie sur son épaule. Clément se tourne vers elle, et d'un baiser fraternel encore, il effleure les cheveux fins que découvre le chapeau de paille rejeté sur la nuque. Moment divin, qui ne reviendra jamais et que plus tard, dans une félicité plus complète, les amoureux regretteront. Car rien au monde ne peut ressusciter le doux prestige d'une minute pareille, cette aube de l'amour encore toute rougissante de pudeur. La jeune fille frémit sous la caresse presque immatérielle. Autour du couple, la nappe de soleil où danse un vol d'insectes ivres de clarté semble une large auréole. Un murmure heureux sort des taillis qui tressaillent. Allez, bandit! Cette exclamation, bien plus joyeuse qu'irritée, arrache les amoureux à leur extase. Monsieur de la Louvière vient d'arriver avec Edme. Honteux, les jeunes gens se séparent. Le plus confus des deux est encore ce pauvre Clément. Colette est toute rose, mais un sourire imperceptible se lit sur ses lèvres, qui n'ont pas perdu tout à fait leur expression de malice ingénue. Au fond, elle n'est pas fâchée de s'être laissée surprendre. Et si elle voulait être tout à fait franche, elle avouerait peut-être, qui sait, qu'elle l'a même un peu fait exprès. Ce cher Clément, avec sa timidité et ses scrupules, aurait-il eu le courage de faire sa demande à monsieur de la Louvière? Le hasard a brusqué les choses, cela arrange tout. Monsieur de la Louvière s'arrête un moment à jouir de leur embarras. « Ah, vous en faites de belles » ajoute-t-il quand on vous laisse seul. « C'est qu'il va falloir vous marier tout de suite, mon père. » Colette s'est jetée dans ses bras. puis c'est le tour de Clément. Le moins heureux des quatre n'est pas l'excellent Edme, que réjouit dans son âme fraternelle le bonheur de Clément. Il n'est, lui, ni un rêveur ni un sentimental, mais il prend sa part de la joie qui transfigure son cadet. Clément l'embrasse aussi. La forêt amie accompagne de son grand murmure apaisé la scène de famille. Les arbres centenaires, qui ont vu passer tant d'amoureux, ont bien l'habitude des idylles. Tandis qu'on revient tranquillement vers la maison, dont la toiture s'aperçoit déjà dans la percée des taillis. « C'est égal, » dit monsieur de la Louvière. « A-t-il de la chance, ce Clément ? Il est plus heureux que nous. » « Lui, au moins, il a trouvé le trésor, le vrai trésor de Chèvrechêne. » Ainsi s'achève Colette par André Theuriet.